playoffs, player, turn up, player, 5, 4, 3, 2, 1, it's going out. To go down, team by team and round by round, end of the night is going down. You already know, game when you shot, end of the night is going down. Et oui les boys, le tant attendu dernier podcast de la saison bébé. Aujourd'hui, c'est Noël, fait que je vais me grouiller, ça va être short and sweet. Je voulais juste, puisqu'il y a des games après-midi, fait que je voulais qu'on ait déjà entamé, que ça soit fait et tout ça. Donc, semaine passée, grosse semaine, demi-finale. On regarde ça, les match-up. Premier match-up, celui qui a tout pété durant la saison, mais qui s'est étouffé avec un objet massif, probablement un phallus. En demi-finale, ses joueurs sont blessés, oui, mais... Il a quand même pull un choke national contre Zachary, aka MILF Hunters, qui lui s'en va en finale avec sa team assez boostée, merci. J'ai bien hâte de voir cette finale-là. Donc, on regarde en détail, 136.94 de Zach, c'est 12 de Wilson, buff, 25 d'Henry, ça c'est fort, 30 de Hopkins. Hopkins, il était quand même insane contre Philly. Thielen, 9 points, ok. Hunter Henry, 17 points, que je roastais fièrement, ben, il m'a fermé la gueule là, avec un petit 17 points. Swift, 22 points, puis les Dolphins, 9 points. Du côté de Lozier, Kyler Murray, 33 points, c'est vraiment payé. Davis, 8 points, Cam Akers, 7 points, c'est probablement ça qui a coûté la game, ces running backs ont juste pas show up. McLaurin, 14 points, c'est correct. Metcalf, 9 points, il aurait été capable de mieux. Kelsey, à son habitude, 22 points. DJ Moore 19 points, puis les 49ers avec un moins 2 points contre Dallas. Donc c'est pas mal ça pour le match-up. MILF Hunters qui s'en va en finale. Bien hâte de voir cette finale-là. Ça commence à soir, ben après-midi, 4h30, il y a une première game. Du côté de Mange-moi le cul contre Govinator, ce match-up-là avait de la haine. Et on a été servi à souhait. James qui continue sur sa lancée avec ses nombreux joueurs qui sont comme explosifs, font des 30 points. Là, quand on regarde ça, Allen 37 points, Diggs 25 points, puis Ridley 32 points. Tu sais, ça a juste fait sa game à lui tout seul. Là. En plus de ça, il y a Sanders, Adams, vraiment. Lucien, une team impressionnante. Gordon sur son bench a fait 24 points, puis son backup QB avait 27 points. Tu sais. Même Deontay Johnson 19 points. Fait que c'était assez fort. Du côté de Gauvin, 18 d'Aaron Jones. Non, 18 de Aaron Rodgers, 24 de Aaron Jones, 14 de Robinson, 11 de Hilton, 2 de Keenan Allen. Gauvin qui a pas changé son wide receiver, Keenan Allen. Ça y a quand même coûté cher. Quand on regarde ça, il y avait Landry puis c'est pas mal ça. Il y avait Landry qui aurait pu être remplacé par lui. Ou même Lockett. Là. Moi, je pense que j'aurais mis Lockett. Mais oui. Trop tard, puis c'est plus facile à dire après qu'avant. Les joueurs à James et à Gauvin qui eux aussi ont sorti un beau petit choke season. Donc, 2 points de Keenan Allen, ça a fait mal. 10 points de Tonyan, c'est pas payé. Robinson, 12 points, c'est pas payé. Ravens, 10 points, c'est pas payé non plus. Donc, grande finale, mesdames et messieurs. On est déjà arrivé, c'est triste, la grande finale de playoff de Fantasy. On a eu une esti de bonne saison. L'année prochaine, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a déjà trouvé nos deux prochains candidats. Vous pouvez arrêter de stresser. Bird ne sera pas là pour vous envoyer 40 000 demandes de trade. On l'a déjà à la majorité dans un autre fantasy, puis c'est quand même une job à temps plein. Donc, prochaine saison, ça va être probablement Sam et son cousin qui vont embarquer. Son cousin, il a l'air de suivre ça. Sam, ça va être un bon candidat pour crossé dans des trades là, fait que c'est tout le temps fun d'en avoir un ou deux dans le groupe là, fait que puis au moins ça va faire un ami à du rocher. Ok. Ensuite cette semaine les finales de consolation. Première finale Wong East Team contre Smash de TT. On en a pas mal tous raf les finales de consolidation je crois. Fait que je pense que je skip ça, mais je sens que je vais crisser une petite volée à Swatski. As usual, baby. Sinon, Shitball aussi, bouche pleine de sauce contre AVD. Je suis pas sûr que les gars ont fait leur line-up. Puis, en tout cas, ça peut faire de quoi de fun. On peut se faire des petits chirps, des petits bets entre nous. Matt qui est sur une séquence de 9 défaites de suite. Fait que c'est toujours motivant de vont sortir de sa torpeur, finir la saison en force. Mais là, le match-up qu'on va regarder en détail, c'est Mange-moi le cul contre MILF Hunters. Ça va être pesant, mon ami. C'est Ross Wilson à LA contre Josh Allen à New England. Je vais le donner à Josh Allen. Ross est assez terrible là, dans les derniers temps. Derrick Henry à Green Bay, ça peut être bon. Gordon contre les Chargers. Ouais, ok, on va dire. Là, il y a quand même une grosse semaine passée. Je sais pas si c'est un sure bet. Sanders à Dallas contre Eckler. Je vais le donner à Eckler qui est tout feu tout flamme ces derniers temps, sauf la semaine passée, il était average, mais il est quand même fort. Sinon, D-Hop contre Adams. Je vais le donner à Adams. Je sens que Tennessee vont se faire ramasser par Adams, alors que Hopkins va être sûrement surveillé par le rapide et en pleine forme Richard Sherman. C'était sarcastique là, avant que Gauvin y écrive un tiers d'un roman dans le groupe comme quoi que je suis capable de dire qu'il était rapide. C'était sarcastique. Bon. Ensuite de ça, Thielen à New England pour Zach contre le Diggs à Buffalo. Je vais le donner à Diggs, même si il va pas être cover par Gilmore. Thielen, je trouve pas qu'il est très fly ces temps-ci. J'aime mieux Justin Jefferson dans sa team. Hockenson contre Noah Fant. Zach start Noah Fant. Stratégie intéressante. J'aime bien l'audace. Alors que Hockenson affronte Tampa Bay. Par contre, Tampa Bay ont Davis, là, le méga running back, méga linebacker pesant. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être un match-up serré. Sinon, Ridley qui avait fait 33 points la semaine passée contre Kansas City, ça peut être très bon. Face à DeAndre Swift à Tampa Bay, ça aussi ça peut être très bon. Un autre match-up serré, Ridley c'est sûr qu'il c'est un stud, fait que je vais le donner à Ridley. Puis les Dolphins contre Las Vegas ou les Bills contre New England, je pense que les Bills vraiment vont donner une petite leçon là, à New England. Leur saison est pas mal finie, puis ils vont vouloir juste tank pour aller chercher un plus gros pick là, fait que c'est pas mal ça. Fait que quand je regarde ça, ah ça va être toute une finale, toute une finale. Je pense que ceux qui vont faire la différence, ça va être les running backs de Zach, qui sont vraiment plus dominants que les running backs de James, même si ces wides sont un petit peu moins dominants. Zach, ses running backs sont assez salauds, merci. Est-ce qu'il va starter Kareem Hunt? On sait pas. T'sais, il va peut-être faire des ajustements de dernière minute, mais ça reste que on va y aller comme ça. Je nommerai MILF Hunters le champion de la première saison. J'espère vraiment que ça va être lui parce que James va être tellement gossant s'il gagne big. Il va en parler encore. On va être rendu au mois de juillet, là. Si tu vas le voir dans un party. Ah, moi j'ai gagné! Moi j'ai gagné! Fait qu'on veut tout pas ça. Les projected points sont favorables pour James à 126 contre 120, mais je pense que Zach va vraiment win ça. Est-ce que James il parlait de peut-être mettre Jalen Hurts? Il semble choke jusqu'à date. Est-ce qu'il nous joue dans la tête? Puis tout, on va voir si nous joue dans la tête. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, bonne finale, les boys. Je suis content que. C'est pas moi qui ai tout l'argent parce que Swatski semblait dire que j'étais un bon fraudeur là. Fait que tant mieux, j'ai pas à tout vous payer, mais je payais ma partie 20$. That's it, boys. Grosse saison. Merci à tous pour l'implication. L'année prochaine à 10, ça va être encore plus corsé. Là, cette année, on avait des high scoring teams. Moi, j'aimerais ça continuer full PPR. J'aimais ça, genre, voir des joueurs se décrisser. Ça donnait plus de value au wide. Quand t'es half PPR, des fois, c'est comme tout le monde veut juste des running backs, puis ça apporte moins de stratégie. On voit que James qui s'est concentré sur les wides, ça a été payant pour lui cette saison et tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Donc, c'est pas mal ça, boys. Un petit 10 minutes. Mais joyeux Noël à tout le monde. C'est vrai, on est le 25 décembre. Fait que joyeux Noël. J'aurais aimé ça qu'on l'échappe le 31. C'est triste. Mais bon, ce n'est qu'à partie remise quand on va pouvoir l'échapper. Putain que ça sera pas drôle puis pas propre. Certainement. Donc, that's it, boys. Meilleur vœu pour 2021, sauf une victoire dans un fantasy. Parce que ça, j'aimerais ça que ce soit moi. Puis, peace.